Chapitre 10e. La marquise de Parme n'était plus qu'orgueilleuse. Elle était hautaine, habituée dès l'enfance à voir tous ses caprices satisfaits, négligée par son mari, gâtée par sa tante, flattée par le monde qui l'entourait. Le seul conseiller qui la dirigea, au milieu d'une liberté si dangereuse, était cette fierté native qui triomphait même des passions. Elle pleura amèrement en rentrant chez elle. Puis elle fit défendre sa porte et réfléchit à ce qu'elle avait à faire, résolue à n'en pas souffrir davantage. Quand Valentin, le lendemain, alla voir Madame Delaunay, il crut s'apercevoir qu'il était suivi. Il était en effet, et la marquise eut bientôt appris la demeure de la veuve, son nom et les visites fréquentes que le jeune homme lui rendait. Elle ne voulut pas s'en tenir là, et quelque invraisemblable que puisse paraître le moyen dont elle se servit, il n'est pas moins vrai qu'elle l'employa et qu'il lui réussit. À 7 heures du matin, elle sonna sa femme de chambre. Elle se fit apporter par cette fille une robe de toile, un tablier, un mouchoir de coton et un ample bonnet sous lequel elle cacha, autant que possible, son visage. Ainsi travestie, un panier sous le bras, elle se rendit au marché des Innocents. C'était l'heure où Madame Delaunay avait coutume d'y aller, et la marquise ne chercha pas longtemps. Elle savait que la veuve lui ressemblait, et elle aperçut bientôt devant l'étalage d'une fruitière une jeune femme à peu près de sa taille, aux yeux noirs, et la démarche modeste, marchandant des cerises. Elle s'approcha. « N'est-ce pas, Madame Delaunay, demanda-t-elle, que j'ai l'honneur de parler ?»« Oui, mademoiselle, que me voulez-vous » La marquise ne répondit pas. Sa fantaisie était satisfaite et peu lui importait qu'on s'en étonnât. Elle jeta sur sa rivale un regard rapide et curieux, la toisa des pieds à la tête, puis se retourna et disparut. Valentin ne venait plus chez Madame de Parme. Il reçut d'elle une invitation de bal imprimé et crut devoir s'y rendre par convenance. Quand il entra dans l'hôtel, il fut surpris de ne voir qu'une fenêtre éclairée. La marquise était seule et l'attendait. « Pardonnez-moi, lui dit-elle, la petite ruse que j'ai employée pour vous faire venir. J'ai pensé que vous ne répondriez peut-être pas si je vous écrivais pour vous demander un quart d'heure d'entretien. Et j'ai besoin de vous dire un mot en vous suppliant d'y répondre sincèrement. » Valentin, qui de son naturel n'était pas gardeur de rancune, et chez qui le ressentiment passait aussi vite qu'il venait, voulut mettre la conversation sur un ton enjoué, et commença à plaisanter la marquise sur son bal supposé. Elle lui coupa la parole en lui disant « J'ai vu Madame Delaunay. » « Ne vous effrayez pas, ajouta-t-elle, voyant Valentin changer le visage. Je l'ai vue sans qu'elle sût qui j'étais et de manière à ce qu'elle ne puisse me reconnaître. Elle est jolie, et il est vrai qu'elle me ressemble un peu. Parlez-moi franchement. L'aimiez-vous déjà quand vous m'avez envoyé une lettre qui était écrite pour elle ?» Valentin hésitait. « Parlez, parlez sans crainte, dit la marquise. C'est le seul moyen de me prouver que vous avez quelque estime pour moi. » Elle avait prononcé ces mots avec tant de tristesse que Valentin en fut ému. Il s'assit près d'elle et lui conta fidèlement tout ce qui s'était passé dans son cœur. « Je l'aimais déjà, lui dit-il enfin, et je l'aime encore, c'est la vérité. » « Rien n'est plus possible entre nous, » répondit la marquise en se levant. Elle s'approcha d'une glace, se renvoya elle-même un regard coquet. « J'ai fait pour vous, » continua-t-elle, « la seule action de ma vie où je n'ai réfléchi à rien. Je ne m'en repens pas, mais je voudrais n'être pas seule à m'en souvenir quelquefois. » Elle ôta de son doigt une bague d'or où était enchâssée une aigle marine. « Tenez, » dit-elle à Valentin, « portez ceci pour l'amour de moi. Cette pierre ressemble à une larme. » Quand elle présenta sa bague au jeune homme, il voulut lui baiser la main. « Prenez garde, » dit-elle, « songez que j'ai vu votre maîtresse. Ne nous souvenons pas trop tôt. » « Ah, » répondit-il, « je l'aime encore, mais je sens que je vous aimerai toujours. »« Je le crois, » répliqua la marquise, « et c'est peut-être pour cette raison que je pars demain pour la Hollande, où je vais rejoindre mon mari. »« Je vous suivrai, » s'écria Valentin, « n'en doutez pas, si vous quittez la France, je partirai en même temps que vous. » « Gardez-vous-en bien, ce serait me perdre, et vous tenteriez en vain de me revoir. » « Peu m'importe, quand je devrais vous suivre à 10 lieues de distance, je vous prouverai du moins ainsi la sincérité de mon amour, et vous y croirez malgré vous. » « Mais je vous dis que j'y crois, » répondit Madame de Parme avec un sourire malin. « Adieu donc, ne faites pas cette folie. » Elle tendit la main à Valentin et entr'ouvrit pour se retirer la porte de sa chambre à coucher. « Ne faites pas cette folie !» ajouta-t-elle d'un ton léger. ou si vous la faisiez par hasard, vous m'écririez un mot à Bruxelles, parce que de là, on peut changer de route. » La porte se ferma sur ces paroles, et Valentin, resté seul, sortit de l'hôtel dans le plus grand trouble. Il ne put dormir de la nuit, et le lendemain, au point du jour, il n'avait encore pris aucun parti sur la conduite qu'il tiendrait. Un billet assez triste de Madame Delaunay, reçu à son réveil, l'avait ébranlé sans le décider. À l'idée de quitter la veuve, son cœur se déchirait, mais à l'idée de suivre en poste l'audacieuse et coquette marquise, il se sentait tressaillir de désir. Il regardait l'horizon, il écoutait rouler les voitures. Les folles équipées du temps passé lui revenaient en tête. Que vous dirais-je? Il songeait à l'Italie, au plaisir, un peu de scandale, à Lauzun déguisé en postillon. D'un autre côté, sa mémoire inquiète lui rappelait les craintes si naïvement exprimées un soir par Madame Delaunay. Quel affreux souvenir n'allait-elle pas lui laisser? Il se répétait ces paroles de la veuve. « Faut-il qu'un jour j'ai horreur de vous ?» Il passait la journée entière enfermé, après avoir épuisé tous les caprices, tous les projets fantasques de son imagination. « Que veux-je donc ?» se demanda-t-il. « Si j'ai voulu choisir entre ces deux femmes, pourquoi cette incertitude? Et si je les aime toutes les deux également, pourquoi me suis-je mis, de mon propre gré, dans la nécessité de perdre l'une ou l'autre? Suis-je fou? Ai-je ma raison? Suis-je perfide ou sincère? Ai-je trop peu de courage ou trop peu d'amour ?» Il se mit à table, et prenant le dessin qu'il avait fait autrefois, il considéra attentivement ce portrait infidèle qui ressemblait à ses deux maîtresses. Tout ce qui lui était arrivé depuis 2 mois se représenta à son esprit. Le pavillon et la chambrette, la robe d'indienne et les blanches épaules, les grands dîners et les petits déjeuners, le piano et l'aiguille à tricoter, les 2 mouchoirs, le coussin brodé, il revit tout. Chaque heure de sa vie lui donnait un conseil différent. « Non, se dit-il enfin, ce n'est pas entre 2 femmes que j'ai à choisir, mais entre 2 routes que j'ai voulu suivre à la fois et qui ne peuvent mener au même but. L'une est la folie et le plaisir, l'autre est l'amour. Laquelle dois-je prendre? Laquelle conduit au bonheur ?» Je vous ai dit, en commençant ce conte, que Valentin avait une mère qui l'aimait tendrement. Elle entra dans sa chambre tandis qu'il était plongé dans ses pensées. « Mon enfant, lui dit-elle, je vous ai vu triste ce matin. Qu'avez-vous? Puis-je vous aider? Avez-vous besoin de quelque argent? Si je ne puis vous rendre service, ne puis-je du moins savoir vos chagrins et tenter de vous consoler? Je vous remercie, répondit Valentin. Je faisais des projets de voyage et je me demandais qui doit nous rendre heureux, de l'amour ou du plaisir. J'avais oublié l'amitié. Je ne quitterai pas mon pays. Et la seule femme à qui je veuille ouvrir mon cœur est celle qui peut le partager avec vous. » Ainsi s'achèvent Les 2 maîtresses par Alfred de Musset.